Bonjour à toutes et à tous. J'espère sincèrement que vous allez bien et que vous trouvez le temps pour écouter ce podcast. Lors de notre dernier cours, nous avons considéré les conséquences théoriques et pratiques de l'invention du kinétoscope et de l'invention du cinématographe, de façon de concevoir l'expérience du spectateur, de façon de mettre en scène, mettre en place la vision du mouvement, le mouvement possible grâce au montage de plusieurs photogrammes sur des supports qui donnait au spectateur la vision d'une de plusieurs images, de plusieurs images, en réalité plusieurs photogrammes. C'était une discrétisation qui essayait de se cacher et d'apparaître comme étant en flux, ce qui était très très très difficile au tout début parce que le nombre de photos qu'on pouvait prendre par seconde n'était pas assez pour que notre œil puisse être trompé, pour ainsi dire, par cet effet technologique, illusion du mouvement qui devient absolument parfaite avec le perfectionnement du cinématographe, donc avec le cinéma tels qu'on les connaît depuis plus d'un siècle. Or, nous pouvons faire facilement les liens entre l'impact de ces deux appareils, l'impact, je répète, socio-technologique hein, dans sa globalité de ces deux appareils et l'impact eu par la technologie qui est à la base, en réalité, du cadre de fonctionnement de l'un comme de l'autre, du kinétoscope et du cinématographe, à savoir la photographie. L'impact de la photographie a été énorme, déjà en termes de théorie, a été énorme déjà dans le milieu savant des théoriciens, des artistes. Charles Baudelaire, par exemple, stigmatisait la photographie, détestait la photographie, coupable, selon lui, de la mort de la peinture. La photographie comportait toute une série de critiques, plusieurs prises de position très différentes, des polémiques, des controverses. Cela a suscité un certain scepticisme et presque une certaine peur, surtout dans la version, disons, dynamique de la photo, qui est le cinéma. On a évoqué lors de notre dernier cours la chronophotographie de Marey qui donne une contribution scientifique à l'invention de la photo. C'est bien de considérer l'invention de la photographie comme une invention à plusieurs, hein, parce qu'en fait les contributions sont différentes. Il y a la contribution entre autres, d'un physiologiste comme Marey et celle de Daguerre, l'inventeur du daguerréotype, et avant encore celle de Nicéphore. Donc, pour ne pas faire un discours trop innocent, trop naïf, et fixer l'invention de la photographie à l'époque à laquelle on la fait généralement remonter, c'est-à-dire l'année en fait à laquelle on fait remonter la toute première photo, c'est-à-dire 1826, c'est bien de la considérer comme étant un peu dans l'esprit du temps. Dans l'esprit du temps. Donc plusieurs auteurs ont contribué à cette invention. C'est souvent le cas d'ailleurs dans l'histoire des idées technologiques et pas que technologiques. C'est parfois la même chose aussi dans l'histoire des idées politiques. Or, nous avons mentionné au passage un ouvrage qui est considéré comme ayant été, mais tout juste, l'ouvrage fondateur du concept même d'industrie culturelle. L'ouvrage fondateur du concept même de industries culturelles, de la théorie, de la notion des industries culturelles, est l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, dont la première édition date du 1936, la dernière du 1939. L'auteur est le philosophe allemand Walter Benjamin, auteur de plusieurs ouvrages sur la littérature, sur l'esthétique, mais aussi sur la politique de son temps. L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique est un ouvrage qu'on ne termine jamais de comprendre, qu'on ne termine jamais de lire, de relire, et à chaque fois, cette lecture fait découvrir une pensée à laquelle on n'avait pas encore, toujours pas pensé, une idée qui nous suggère d'être mieux nuancé. C'est un ouvrage d'une richesse théorique, c'est vraiment extraordinaire, avec des prémices de ce qui sera quelques décennies plus tard la situation, disons, technologique et surtout dans l'audiovisuel. Et de cet ouvrage, moi, j'essaie de faire une lecture. Avec vous, une lecture qui ne peut ici qu'être partielle, et lecture qui s'articule en deux temps. Le cours que je suis en train d'enregistrer en ce moment, dont le but est celui d'ouvrir à certains passages de l'ouvrage de Walter Benjamin, pour ensuite achever notre analyse de cet ouvrage et en la mettant en relation avec la création du public cinématographique, et donc avec la notion même de public, lors de notre prochain cours. Walter Benjamin cite tout d'abord Paul Valéry, qui, dans La conquête de l'ubiquité, ouvrage de premières années 30, je crois, 33 ou 30, 34, écrit que il y a dans tous les arts une partie physique qui ne peut plus être regardée ni traitée comme nageur, qui ne peut plus être soustraite aux entreprises de la connaissance et de la puissance moderne. Paul Valéry nous invite à nous arrêter sur la composante technique, matérielle de l'œuvre d'art, qui n'est pas tout juste une idée abstraite, mais qui n'existe pas en dehors de sa matérialisation, de son incarnation dans un certain support Le processus de cette matérialisation s'est fait avec des outils qui traduisent et produisent des idées. Mais de ces outils, il faut connaître la matérialité. À partir donc d'une révolution technique, dit Paul Valéry, nous arriverons, c'est sûr, à une révolution thématique, hein, à une révolution théorique. Ni la matière, ni l'espace, ni le temps ne sont depuis 20 ans ce qu'ils étaient depuis toujours. Il faut s'attendre que de si grandes nouveautés transforment toute la technique des arts, agissent par là sur l'invention elle-même, et jusqu'à modifier la notion même de l'art. Donc nous sommes dans les années 30, l'évolution de la technologie dans l'audiovisuel est une évolution tellement rapide que on ne peut que s'attendre à de changements majeurs en termes de concept, en termes de notion, en termes de théorie esthétique. Pendant ces années, il ne faut pas l'oublier, les peintres d'un mouvement particulier tel que le futurisme essayaient, même dans la peinture, de faire ce que le cinéma faisait à partir de la photo, c'est-à-dire recréer les mouvements. C'était cette idée esthétique qui le fascisme aurait épousée pour en faire le manifeste artistique de la théorie de la guerre comme étant l'état normal, l'état de santé de l'humanité. Cette idée qui est à la base du manifeste du futurisme signé par Marinetti, Filippo Marinetti, un des futuristes plus célèbres, et trouve sa traduction esthétique dans la peinture et donc dans les cinémas. Or, le premier problème que Walter Benjamin se pose dans son ouvrage, c'est celui de la reproductibilité de l'œuvre d'art. Et il nous dit qu'il est du principe même de l'œuvre d'art d'avoir toujours été reproductible. Vous voyez ici, j'ai essayé de coller quelques passages de l'ouvrage dont j'ai un PDF dans une version un peu jaunâtre, je m'en excuse, et j'essaie donc de faire des captures d'écran de ces PDF, tout juste pour vous donner, pas vraiment une synthèse, mais rencontre avec l'écriture de Walter Benjamin, parce que son écriture est très originale et percutante et riche. Et alors j'ai préféré faire cela plutôt que faire une synthèse. Essayons de lire Walter Benjamin ensemble. Il est du principe de l'œuvre d'art d'avoir toujours été reproductible. Les hommes ont toujours pu refaire ce que d'autres hommes avaient fait, et cela avec les plusieurs techniques qui ont caractérisé l'évolution de Beaux-Arts, mais les plusieurs reproductions s'inscrivaient dans ce que Benjamin appelle la tradition de l'œuvre d'art. À partir de l'original, c'est-à-dire par exemple, dans la peinture d'un premier tableau, toutes les reproductions suivantes s'inscrivent dans cette espèce de tradition à laquelle l'œuvre donne naissance d'une certaine manière. Ces reproductions demandent un effort, demandent une forme de créativité, un emploi physique, l'emploi de la main humaine, tout comme avait été le cas pour l'original. Et donc, ces reproductions ont leur dignité dans cette tradition, la tradition qui est inaugurée par l'original. Alors que, Avec le processus de la reproduction des images tel qu'on peut le faire dans la photographie et ensuite dans le cinéma, l'amant, écrit Benjamin, se trouve déchargé des tâches artistiques les plus importantes parce que c'est la machine qui s'occupe de faire cela. Et donc la reproduction devient un moment de aliénation de l'artiste. Personne n'a la paternité de cette reproduction qui se fait avec et grâce à la machine. Et donc, déjà vers 1900, la reproduction, écrit Walter Benjamin, avait atteint un niveau où elle était en mesure désormais non seulement de s'appliquer à toutes les œuvres d'art du passé et d'en modifier de façon très profonde les modes d'action, mais de conquérir elle-même une place parmi les procédés artistiques. Voilà, la reproduction devient elle-même une technique artistique, un procédé artistique. C'est le cas de la photo, c'est le cas du cinéma, et c'est là pour des raisons économiques sur lesquelles on pourra venir plus loin. De toute façon, écrit Benjamin, la reproduction la plus parfaite n'aura jamais une chose, l'unicité de l'œuvre d'art. L'unicité de l'œuvre d'art qui consiste dans son hic et nunc, c'est-à-dire, pour le traduire du latin, le ici et le maintenant, les moments, le lieu où l'œuvre a été créée. C'est celle-ci, selon Benjamin, la composante originaire irréductible qui fait d'un original un original. C'est cette existence unique, pourtant, elle seule, qui, aussi longtemps qu'elle dure, subit le travail de l'histoire. Le travail de l'histoire qui consiste dans les altérations, par exemple, de la matière dont cet ouvrage, par exemple, ce tableau a été... Dans laquelle cet ouvrage a été réalisé. Mais ces altérations ne trompent pas l'œuvre d'art. Alors qu'une reproduction complètement déléguée à la machine, une reproduction à laquelle la main humaine ne participe presque pas, celle-ci trompe la tradition. D'une certaine manière, ces reproductions, pour ainsi dire, trop faciles, hein, ces reproductions que la technologie banalise, simplifie, elle tue l'œuvre d'art. Les hic et nunc de l'original, écrit Benjamin, constituent ce qu'on appelle son authenticité, et tout ce qui relève de l'authenticité échappe à la reproduction. Échappe à la reproduction, et encore plus, mais pas que, à la reproduction technique. Ce qui est authentique ne peut qu'être original. C'est une idée qu'aujourd'hui est mise en crise à l'époque de la reproductibilité numérique de tout genre de documents. Écrit ou visuel, qui consiste dans une série de chiffres au moment où il est réalisé de façon numérique. Le concept d'original aujourd'hui n'existe guère plus en réalité. Or, la reproduction technique, comme on vient de le dire, dans le cas de la photographie, s'éloigne complètement de l'original. Par exemple, la photographie peut nous faire voir de détails que jamais l'œil humain ne pourrait voir. Certains procédés l'agrandissement, les ralentis permettent de décomposer l'expérience visuelle que nous avons du réel. C'est ce que nous faisons aujourd'hui avec le zoom. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de prendre une photo de n'importe où, parce que par la suite, nous savons que grâce au zoom, nous pourrons regarder en détail l'image. Ce n'est pas donc nécessaire de s'approcher outre mesure d'un monument, d'une personne. Le zoom est un moment qui participe déjà de la prise en photo en réalité, parce qu'il détermine d'une certaine manière les conditions de cette prise en photo même. Et l'autre aspect de ce rapport conflictuel entre reproductibilité technique et œuvre d'art, c'est que la reproduction technique transporte l'œuvre d'art dans des situations, dans des contextes que jamais l'original aurait pu connaître. Sous forme de photographie ou de disque, elle permet surtout de rapprocher l'œuvre du récepteur. La cathédrale quitte son emplacement réel pour venir prendre place dans les studios d'un amateur grâce à une photo. Le mélomane peut écouter à domicile le chœur exécuté dans une salle de concert ou en plein air. Vous voyez bien que Walter Benjamin touche en 1936 des questions qui aujourd'hui sont très actuelles et qui font là, selon certains, la différence entre ce qu'on peut appeler ou pas musique, selon les formes de réception et de consommation, plus ou moins banalisées, plus ou moins démocratisées. Walter Benjamin touche déjà en 1936 à des questions qui aujourd'hui font la différence, selon certains auteurs, entre ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas appeler cinéma, selon que ce soit un film qu'on a vu dans une salle ou plutôt un film qu'on a vu à travers son ordinateur à la maison. Grâce à la reproductibilité, l'œuvre d'art s'industrialise. Et on parle de films, et on parle d'architecture aussi, parce que la photographie, pour ainsi dire, permet la diffusion de la vision d'une église, dans l'exemple que fait Walter Benjamin, ou d'un autre monument, ou d'un autre bâtiment. Les villes même, la vision des villes, grâce à la photographie, devient un phénomène industriel. Le tourisme de masse, par ailleurs, naît aussi grâce à cette reproductibilité photographique des prises de vue des villes, dont le tourisme de masse lui-même devient les premiers consommateurs. Donc vous voyez que dans ces quelques lignes, Walter Benjamin touche à plusieurs questions qui aujourd'hui encore sont très actuelles. Cette idée de rendre les choses spatialement et humainement plus proches de soi, on peut lire dans la page suivante, je parle des pages au sens de notre sélection de pages de passage, cette tendance de rendre les choses spatialement et humainement plus proches de soi, c'est chez les masses d'aujourd'hui, un désir tout aussi passionné que leur tendance à déposséder tout phénomène de son unicité au moyen d'une réception, de sa reproduction, la reproduction d'une œuvre d'art, la réception d'une œuvre d'art. Les gens veulent, Benjamin l'observe déjà à son époque, tout pouvoir voir sans aller trop loin. Les gens veulent pouvoir consommer l'œuvre d'art, s'en approprier, sans faire des efforts supplémentaires. Et alors, en ce moment-là, Walter Benjamin définit l'aura, comme étant l'apparition d'un lointain si proche soit-il. L'aura est la valeur irréductible liée au moment qui donc est loin dans le temps et au lieu qui est loin dans l'espace où l'œuvre d'art a été créée. Mais cette distance spatio-temporelle est réduite pour des raisons économiques grâce à des procédés technologiques tels que les procédés de la reproductibilité sur des supports qui facilitent par la suite la diffusion. Bien évidemment, la reproductibilité vise la diffusion, la vente à l'échelle mondiale, à l'échelle justement industrielle. Il est incontestable que telle que la fournissent les journaux illustrés, les actualités filmées, la reproduction se distingue de l'image. En celle-ci, unicité et durée sont aussi étroitement liées que les sont en celle-là, fugacité et possible répétition. Là où il y a la possibilité technique de la répétition, selon Benjamin, nous sommes face à la perte de l'aura. L'aura, cette valeur quasiment magique, sacrée de l'image. Et on a bien raison de parler de valeur sacrée parce que la première adoption de l'image est la première valeur sociale de l'image, Benjamin l'a dit ailleurs, c'est la valeur cultuelle, l'image comme étant support d'un culte religieux. On a déjà évoqué la vexata questio, la très ancienne question dialectique entre iconoclastie et iconophilie. L'objet visuel dont il était question, c'était justement les images sacrées, les représentations de la foi. À l'époque de la reproductibilité technique, Benjamin le dit très clairement, ce qui dépérit dans l'œuvre d'art est son aura. Et son aura. Et ce processus est tout simplement un symptôme. Sa signification dépasse le domaine de l'art. Voilà. L'art fonctionne dans cet ouvrage comme un symptôme, comme un cas d'étude. L'art est l'œuvre d'art. Et le cinéma aussi. Mais la portée de cet ouvrage va déjà au-delà de ces deux cas d'étude qui quand même répondent à deux dimensions très, très importantes. L'œuvre d'art, hein. C'est un objet à la valeur culturelle, anthropologique, historique évidente. Le cinéma est par excellence l'art des foules. Le cinéma naît comme étant art des foules, pas avec les kinétoscopes, mais on l'a dit, plutôt avec les cinématographes. Et la foule ne pourrait pas s'approprier les masses qui, en tant que telles, sont partout, ne pourraient pas s'approprier une œuvre d'art si cette œuvre d'art n'était pas reproductible, si cette œuvre d'art ne pouvait pas être transformée en photo et puis en gadget, voilà, et puis en souvenir. Pensez aux plusieurs adoptions que le marché aujourd'hui fait de certaines images, de certaines icônes, sur combien de supports publicitaires, sur combien d'accessoires, sur combien de gadgets, justement, tombent les reproductions de tableaux ou aussi de certains photogrammes célèbres de films. La technique donc de la reproduction détache l'objet reproduit du domaine de la tradition. Il n'y a plus de tradition, il n'y a plus ce rapport de filiation qui faisait les liens entre l'original et les copies. Il n'y a qu'une série réalisée très rapidement grâce à des procédés techniques qui ne demandent pas vraiment l'intervention et la compétence de la main humaine. Lorsque les modalités de production de l'image et de reproduction de l'image changent, ce qui change, c'est notre perception. C'est la perception que nous avons du réel autour de nous. La photographie a modifié la façon de regarder et de voir, a modifié déjà la façon de voir et de regarder un visage, étant donné que les visages étaient un des premiers éléments, premiers sujets photographiques. Et c'est là aussi pour des raisons scientifiques et même pour des raisons d'ordre public. On prenait en photo les gens qu'on venait d'arrêter pour pouvoir finalement avoir leur dossier. Ou on prenait en photo des gens qu'on savait être de délinquants pour avancer l'hypothèse d'une certaine physionomie, la physionomie du délinquant, la physionomie du méchant. Cette idée physio-sociologique, on pourrait dire, ou somato-sociologique, est une idée qui était à la base aussi de certaines obsessions racistes et puis dramatiquement politiques hein, du siècle dernier. Et la photographie était un élément d'identification, identification de la personne à travers un instrument qui, à la différence de la peinture, semblait être neutre, anodin, impartiel, hein, alors que par la suite, on aurait bien découvert et connu la capacité artistique de la photo qui est déjà subjective dans le fait même de demander un cadre, de demander un certain regard sur les choses et donc avec tout cela aussi une mise en scène. La façon dont les hommes perçoivent pardon, le réel autour d'eux change avec l'invention de ces médiums. La manière dont opère la perception, les médiums dans lesquels elle s'effectue, ne dépend pas seulement de la nature humaine, mais aussi de l'histoire. Voilà. C'est une idée qui avait été développée déjà chez Karl Marx. Le fait que la perception, et c'est l'idée, si vous voulez, à la base aussi de notre cours. Nous sommes en train de réfléchir aux plusieurs déclinaisons des industries culturelles, surtout dans l'audiovisuel. Et cela, on le fait aussi grâce à vos dossiers, hein, notamment aux dossiers qui s'occupent de certaines plateformes, certaines applications, certains services en ligne dont l'objet consiste justement dans la diffusion audiovisuelle. Et nous sommes en train de questionner la perception dans l'espace et dans le temps, la perception de l'individu et de la communauté, la perception de la présence et de la distance telle qu'elle est façonnée aujourd'hui à l'époque du numérique, et parce qu'on croit qu'il s'agit d'une donnée historique, d'une donnée toujours liée et d'une expérience, celle de la perception, toujours liée à un certain milieu socio-technologique. Aujourd'hui, la possibilité de zoomer modifie notre regard, mais la possibilité déjà de partager. La photo que je viens de prendre modifie le sens que cette photo a, déjà pour moi et puis aussi pour les autres. Je prendrais peut-être pas cette photo si ce n'était pour la possibilité de la partager sur les réseaux sociaux. Vous voyez que le partage n'est pas l'après-coup d'une photo qu'on aurait prise de toute façon. Non, le partage devient souvent, je ne dis pas toujours pour pas faire la caricature dont j'ai pas besoin, le partage est la raison pour laquelle je prends la photo. Et donc, ça sera aussi les facteurs qui influencent la manière dont je prends la photo. S'il y a une certaine esthétique sur Instagram, c'est parce que les partages que je vais faire sur Instagram influencent déjà la manière dont je prends la photo. Et d'ailleurs, les possibilités que j'ai de filtrer la photo sur Instagram codent une esthétique qu'on peut identifier et reconnaître. Pour étudier l'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique, écrit Benjamin, il faut tenir compte de ces contextes, car ils mettent en lumière le fait qui est ici décisif. Pour la première fois dans l'histoire universelle, l'œuvre d'art s'émancipe de l'existence parasitaire qui lui était en partie dans le cadre du rituel, c'est-à-dire que l'œuvre d'art s'émancipe de sa dimension cultuelle et l'œuvre d'art reproduite devient reproduction d'une œuvre d'art conçue pour être reproductible. Pour être reproductible, la reproduction, tout comme les partages sur les réseaux sociaux dont j'ai parlé tout à l'heure, n'est pas l'après-coup, mais est la raison d'être de l'œuvre d'art. Même. De la plaque photographique, on peut tirer un grand nombre de preuves. Il serait absurde de demander laquelle est authentique. Mais dès lors que les critères d'authenticité n'est plus applicable à la production artistique, toute la fonction de l'art se trouve bouleversée. Au lieu de reposer sur les rituels, elle se fonde désormais sur une autre pratique, c'est-à-dire la politique. L'œuvre d'art n'est plus liée à la dimension du culte, mais à la dimension de la communication. C'est ce que Walter Benjamin veut dire quand il dit politique. La communication, le fait de pouvoir partager l'expérience, la vision d'une œuvre d'art, un film ou un tableau à plusieurs, alors qu'avant, l'œuvre d'art était réservée à une élite. Il fallait se déplacer pour aller voir un certain tableau avant que les expositions deviennent éphémères. C'est un phénomène très très récent, celui pour lequel nous pouvons avoir un Van Gogh, là où Van Gogh, comme prononcent les Hollandais, n'a jamais vécu, n'a jamais travaillé. On peut voir Picasso dans n'importe quel pays, on peut voir Raffaello n'importe où, il suffit d'attendre peut-être là. Il y a très très peu de tableaux qui ne se déplacent pas. Hein. Sinon, oui, les œuvres d'art sont éphémères. Elles voyagent. Elles voyagent pour rencontrer les masses. Elles voyagent pour pas que les masses doivent faire trop d'efforts pour pouvoir se réjouir de la vision ou en général d'une expérience d'appropriation de l'œuvre. À la différence de ce qui se passe en littérature ou en peinture, la reproductibilité technique des films n'est pas une condition extérieure de leur diffusion massive. La reproductibilité technique des films est inhérente à la technique même de leur production. Celle-ci ne permet pas seulement de la façon la plus immédiate la diffusion massive des films, elle l'exige. Car les frais de production sont si élevés, écrit Benjamin, que si l'individu peut encore, par exemple, se payer un tableau, il est exclu qu'un individu achète un film. Des calculs ont montré qu'en 1927, l'amortissement d'un grand film exigeait qu'il fût vu par 9 millions de spectateurs. Voilà comment l'œuvre d'art, à l'occurrence le film, devient industrie. L'œuvre d'art est produite pour pouvoir alimenter sa reproductibilité. Si cette reproductibilité n'est pas possible, ben alors on ne fait pas de film. On ne fait pas un film pour le montrer à 20, à 30, à 50, à 1000 personnes, mais plutôt à 9 millions de spectateurs. Et puis, il continue, les diverses méthodes de reproduction technique de l'œuvre d'art l'ont rendu exposable à un tel point que, par un phénomène analogue à celui qui s'était produit à l'âge préhistorique, le déplacement quantitatif intervenu entre les deux pôles de l'œuvre d'art, le pôle culturel lié au rite et sa valeur représentation, le déplacement quantitatif intervenu entre ces deux pôles de l'œuvre d'art s'est traduit par un changement qualitative qui affecte sa nature même. C'est ce qu'on vient de dire. On aura une certaine œuvre d'art et pas une autre, étant donné que la valeur de l'œuvre d'art est liée à sa dimension industrielle, la dimension, les circuits industriels de diffusion à l'échelle universelle, à l'échelle des masses, qui rend rentable sa production même. C'est de cela que la photographie et le cinéma constituent les éléments les plus probants pour l'analyse que Walter Benjamin veut faire. Parce que les deux, la photographie et le cinéma, connaissent la reproductibilité comme étant une caractéristique élémentaire, à la base même de leur fonctionnement. On s'était dépensé en vaine subtilité pour décider si la photographie était ou non un art, mais on ne s'était pas demandé d'abord si cette invention même ne transformait pas le caractère général de l'art. Or, écrit Walter Benjamin, les théoriciens du cinéma devaient formuler leurs questions avec la même précipitation. Un siècle plus tard, quasiment, disons, l'invention de la photographie, Walter Benjamin écrit que finalement il fallait comprendre que c'était le caractère général de l'art qui changeait avec la photo de façon inéluctable. La question ne devait pas être le statut de la photo, mais le statut de l'œuvre d'art. À ce moment-là, développer sa critique du cinéma comme n'étant que l'art de la dislocation, d'une reproduction qui éloigne le spectateur de lui-même, en quelque sorte, parce que distance, la distance entre un original qui n'existe presque plus et le spectateur devient aussi une espèce d'égarement, une espèce une expérience de perte de la valeur de l'œuvre d'art et de la valeur aussi de l'expérience du spectateur en lui-même. C'est là que Benjamin s'arrête sur la différence entre cinéma et théâtre. On l'a déjà évoqué lors de notre dernier cours. Au théâtre, l'acteur en personne présente au public sa performance. Alors que l'acteur du cinéma, Il fait quoi? Mais lui, il joue face à une machine. Il est face à un très complexe appareillage de médiation. Et plus il y a des médiations, semble dire Benjamin, et moins il y a d'aura, et moins il y a disons, d'authenticité. Les acteurs du cinéma, sous la direction de l'opérateur, ils travaillent devant ces appareils, les appareils que les spectateurs ne voient pas. Donc, ce qui est caché au spectateur rivalise avec ce qui lui est montré. Le spectateur ne voit pas les tournages, sauf, on l'a déjà dit, je crois, dans les films qui font de la mise en abîme du tournage d'un film. Mais le fait que l'action de l'acteur du cinéma se passe ailleurs, le fait que cette action telle que le spectateur peut la voir soit le résultat d'un montage dans lequel le son est produit à part, et par la suite appliqué à l'image. La post-production retravaillera les blancs et les noirs d'abord et les couleurs par la suite. Cette espèce de décomposition du réel, une décomposition qui isole des éléments qui, dans l'expérience esthétique du théâtre, se donnent dans une espèce de synesthésie. Se donnent comme étant fusionnels les uns aux autres. Cette décomposition propre au tournage, selon Walter Benjamin, fait de l'acteur du cinéma, comme l'a dit Luigi Pirandello, un acteur exilé, exilé déjà de lui-même. La scène est un lieu qui ne connaît pas de reproduction. La scène du théâtre, l'aura de Macbeth est inséparable aux yeux du public vivant de l'aura de l'acteur qui joue ce rôle. Il n'y a pas d'aura, selon Benjamin, pour un acteur du cinéma. À cette époque-là, on croyait que jamais les gens auraient pu aimer les acteurs du cinéma de la même façon qu'ils aimaient les acteurs du théâtre. On voit très bien à quel point on s'était trompé dans cette prophétie. L'acteur du théâtre entre dans la peau de son personnage, chose qui est très fréquemment interdite à l'acteur du cinéma, écrit encore Walter Benjamin. Tout ce qui est trucage, tout ce qui est machinerie, tout ce qui est appareillage, montage, reproduction, répétition déjà, répétition lors d'un tournage, une fois d'une certaine scène, sans que le spectateur sache quelle est dans cette série de répétitions la scène à laquelle il a accès, il a droit. Cette fiction est, aux yeux de Benjamin, le paradigme d'une expérience, d'une nouvelle expérience d'un spectateur qui est, à son avis, vous ne vous inquiétez pas, ça va. D'un spectateur, le spectateur du cinéma, qui par rapport au spectateur du théâtre est un spectateur, et c'est là aussi, c'est un aspect de l'industrialisation, qui va voir un film tout juste pour se distraire. Tout juste pour se distraire. Les films n'étaient pas considérés comme étant une œuvre d'art sérieuse, une œuvre d'art à la valeur éthique et esthétique comparable à celle du théâtre. Le spectateur du cinéma veut tout juste se distraire. Se distraire, il regarde les films tout en pensant aussi à d'autres choses. Les films n'étant pas quelque chose qui se passe en ces moments-là, et précisément en ces moments-là, n'exige pas la même attention que la pièce théâtrale. Les films, pour ainsi dire, autorisent le spectateur à penser aussi à d'autres choses. Donc, un désengagement de la part du spectateur qui va avec les systèmes de réception même de l'expérience cinématographique. Vous voyez comment Benjamin, déjà en 1936, ouvre à un regard critique qui encore aujourd'hui est tout à fait actuel. Ce qui est important de souligner là-dedans, c'est que chaque forme de réception produit le sujet de cette réception, le produit au sens social du terme, lui assigne, lui attribue des caractères, des capacités, des compétences. Alors, si nous disons que le cinéma ne demande pas un spectateur aussi exigeant, aussi compétent, aussi attentif que le théâtre, la diffusion du cinéma, alors, sera responsable disons, d'une dégradation des qualités intellectuelles du public. Si nous disons que le public du cinéma n'est pas le même public que celui du théâtre, ben, ce public, c'est qui? Mais c'est nous. Ce public, c'est la société. Ce public, ce sont les gens. Réfléchir donc aux formes de production et de réception du cinéma revient à réfléchir aux manières dont, en ces moments-là, c'est-à-dire vers la moitié du siècle dernier, l'œuvre d'art produit, construit un sujet nouveau, la masse, la foule qui consomme avec une certaine désinvolture et presque avec une certaine insouciance les films qu'elle voit passer devant elle. Et nous sommes donc à la naissance d'un nouveau public et, je répète, d'une nouvelle société. Les publics du théâtre, les publics du cinéma font l'expérience, une expérience civile, sociale. Lorsque je fais partie d'un public, je dois assumer certaines responsabilités, je dois intégrer certaines contraintes. Hein. Je ne peux pas faire n'importe quoi quand je fais partie d'un public. Il y a des codes, hein, il y a une certaine politesse rituelle qui règle ces sujets, cet acteur social qui naît à ce moment-là, le public du cinéma, qui donc n'est pas le même public du théâtre. Voilà, lors de notre prochain cours, on pourra revenir encore sur la question du public. Qu'est-ce que ça veut dire? Créer un public. Qu'est-ce que ça veut dire faire partie d'un public et en quoi le cinéma nous apprend une autre manière d'être la personne que nous sommes et nous apprend aussi par là une nouvelle manière d'être présent à nous-mêmes, mais aussi aux autres. Merci.